On m'a même accusé d'être un reptilien. Ça, c'était assez cool. On m'a même dit que j'étais le chef des reptiliens français à un moment. J'étais quand même assez fier de disposer de ce titre. C'est un peu, pour les plus anciens, comme le truc de la Rolex de Sarko. Hein, si à 40 ans t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie. Bah dans mon domaine, si à 40 ans tu t'es pas fait traiter de reptilien, franchement t'as raté ton métier. Notre devoir, c'est d'être complotiste pour dénoncer les comploteurs. Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV? Qui? Bah c'est la communauté que vous connaissez bien. Ni oubli ni pardon pour tous ces enfoirés. Rien. Sachez bien que vous allez payer. Réveillez-vous, tout est calculé. Du complotisme, de la désinformation, du harcèlement, ça a été très très très dur. Je réalise que les personnes qui rentrent dans ces récits complotistes sont en train de se créer une réalité alternative. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. À l'origine d'une vocation, il y a des rêves et des images. Pour le métier de journaliste, par exemple, c'est peut-être l'idée de parcourir le monde, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Mais il est plus rare que l'on se réveille un matin en se disant que notre ambition la plus profonde, ce qui nous fait le plus vibrer dans la vie, c'est le fact-checking, autrement dit la vérification des faits. En tout cas, ce n'est pas le journaliste Thomas Huchon qui va me contredire, parce que comme moi, c'est aussi par hasard qu'il s'est intéressé aux fausses rumeurs et aux théories du complot. Sauf qu'aujourd'hui, c'est sa spécialité et il a même écrit plusieurs livres sur le sujet. Alors justement, comment en est-il arrivé là et qu'a-t-il observé en plus de 10 ans de travail sur le sujet? Loin de son téléphone et de ses nombreuses notifications, pour une petite heure, le journaliste s'est approché du micro de Conspiracy Watch et m'a raconté les raisons de son engagement. J'ai voulu être journaliste parce que ça avait l'air cool d'être journaliste. Les journalistes, c'était les cool guys, c'était ceux qui cherchaient des informations, potentiellement qui luttaient contre un certain nombre de discriminations, qui dénonçaient les scandales. En gros, j'ai voulu devenir journaliste, probablement pour les mêmes raisons qu'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à devenir complotistes. Parce que entre le moment où moi j'ai commencé à faire ce métier et j'ai décidé de faire ce métier il y a un peu moins de 30 ans, et ben, le monde a basculé. Et aujourd'hui, bah, ceux qui ont l'air d'être des mecs cool, et bah, c'est ceux qui disent n'importe quoi. Alors que ceux qui continuent à faire ce travail à peu près sérieusement, bah, ils ont une très mauvaise image dans l'espace public. Bon, à peine une minute d'interview et Thomas Huchon parle déjà des complotistes. On va évidemment y venir. Mais avant ça, moi j'ai envie de savoir qui il est. Alors, reprenons dans l'ordre et depuis le début. J'avais participé, comme tout un tas d'autres lycéens, à des formes plus ou moins sérieuses de journaux au sein de l'école. Nous, à l'époque, on avait créé un truc qui s'appelait La Bombe. La Bombe va exploser, c'était le sous-titre. Et effectivement, on faisait des articles sur à la fois l'actualité et sur ce qui se passait au sein du lycée. Et j'avais un pseudonyme pour écrire, on avait tous des pseudonymes. Et parce que le journal était interdit par le Bahut, donc on le vendait sous le manteau à nos collègues et à nos camarades de classe. Et moi, je m'appelais Hatchoun, parce que Hatchoun, c'était une forme d'anagramme un peu bizarre de Thomas Huchon. Et c'était aussi un nain dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Bah, je suis le fils d'un homme politique et d'une femme politique. Je suis le fils de Jean-Paul Huchon, qui était le président de la région Île-de-France pendant 17 ans, qui a été le principal collaborateur de Michel Rocard. Et ma mère était une femme politique plus locale, conseillère municipale, conseillère régionale, très impliquée aussi dans les associations et dans tout ça. C'était tous les deux des membres du Parti Socialiste. Et donc, quand on a une famille avec des parents qui font de la politique, l'information, c'est fondamental. Donc moi, j'ai toujours été en train de consulter des journaux, de lire la presse. J'étais abonné au journal des enfants, j'étais abonné à toutes les formes de journaux qui étaient destinés aux jeunes. Et puis très rapidement, j'ai commencé moi à lire la presse, moi à lire des articles et du coup à avoir un rapport effectivement hyper important avec l'information. L'information, c'est fondamental. C'est ce qui nous permet d'accéder à la réalité et de construire nos opinions et... En réalité, nos opinions, c'est une partie de nos identités. Et donc, c'est aussi quelque chose qui nous construit en tant qu'individu, en tant que personne et en tant que citoyen. Après son baccalauréat, Thomas Huchon s'inscrit à l'université, à la Sorbonne, où il est plus intéressé par les matchs de foot de la fac que les cours en amphi. Il intègre ensuite une école de journalisme en alternance, à l'issue de laquelle il devient journaliste indépendant. Sauf que ses débuts, et je sais de quoi je parle, ne sont pas à 100% éclatants. J'ai cherché à faire des piges, comme on dit dans le métier, donc à essayer de trouver des endroits où j'allais faire des papiers. Ça n'a pas marché aussi bien que je l'imaginais. Et du coup, à l'époque, j'ai 24 ans, j'ai pas trop de boulot. Et ma high school girlfriend, avec qui je suis depuis plusieurs années, va trouver du boulot au Chili pour faire de la coopération internationale. Elle a fini ses études, elle était assez brillante au niveau des études. Et du coup, elle part au Chili pour 3 ans. Et moi, je me dis, bah tiens, hey, tu parles pas espagnol? T'as jamais foutu les pieds en Amérique du Sud? Eh bien, pourquoi tu ne serais pas correspondant là-bas? Et je décide de la suivre et je pars donc au Chili, où je vais vivre pendant 3 ans. Et je vais devenir correspondant pour les médias français, pour certains médias français, pour le journal 20 Minutes qui s'est créé à l'époque, pour Le Parisien, pour RTL, la radio, pour e-télévision, qui était une chaîne extrêmement respectueuse, qui ressemblait pas beaucoup à ce qu'aujourd'hui on appelle CNews. Et je fais aussi quelques papiers pour La Tribune, il me semble. Et donc, je couvre tout un tas de sujets au Chili. Et notamment, les élections présidentielles qui permettent à Michelle Bachelet, la première femme, à devenir présidente d'un pays latino-américain. Je couvre des mouvements sociaux. Et du coup, je vais vivre là-bas et découvrir à la fois une autre culture, une autre actualité, un autre pays, une autre réalité. Et voilà, et là-bas, je vais à un moment rencontrer dans un reportage quelqu'un qui me dit, tiens, tu vois cette femme qui est là, c'est Patricia Espero, c'était la secrétaire de Salvador Allende, le président chilien qui est mort lors du coup d'État du 11 septembre 1973. Et comme d'habitude en Amérique latine, les chars, le putsch et un nouveau général qui prend le pouvoir, un certain Augusto Pinochet. Comme bon nombre d'autres chefs d'État latino-américains renversés, Allende aurait pu fuir, prendre l'éternel hélicoptère vers l'éternel pays ami. Mais il aurait peut-être été oublié par l'histoire. Salvador Allende a choisi de mourir les armes à la main dans son palais de la Moneda. N'avait-il pas dit que son peuple s'y trouvait? Et quand on me dit qu'il y a la secrétaire d'Allende, je me dis, mais attends, c'est dingue ce truc. Je vais la voir et je lui dis, mais attendez, je peux vous inviter à déjeuner. J'aimerais bien que vous me racontiez qui était Salvador. Et pas forcément Allende. Parce que ma manière de comprendre ces trucs-là, c'est de comprendre l'homme pour comprendre le personnage public. Et donc on déjeune ensemble, elle me dit tout de suite qu'elle ne va pas me parler comme journaliste, que ça fait 35 ans que des journalistes la contactent pour raconter tout ça, qu'elle a toujours refusé, qu'elle ne veut pas faire ça et tout. Puis on déjeune, et à la fin du repas, pour une raison que je ne suis pas certain d'avoir totalement compris aujourd'hui, mais elle me dit « ouais, c'est bon ». Je vais te raconter. Je vais te dire qui c'était. Et il se passe un truc assez dingue, c'est qu'elle m'ouvre son carnet d'adresse, elle m'ouvre l'accès à la famille Allende, aux proches d'Allende, aux collaborateurs, à ses amis, mais aussi à ses ennemis que moi je retrouve, sur lesquels j'enquête et tout. Et de ça va naître un bouquin qui s'appelle Salvador Allende, l'enquête intime, qui va se transformer en une deuxième édition. Allende, c'est une idée qu'on assassine, qui sera aussi mon premier documentaire. On essaye de chercher ce qui reste d'Allende 40 ans après sa mort dans un pays qui a essayé d'effacer sa mémoire. C'est comme ça que Thomas Huchon se confronte pour la première fois à la manipulation des faits en enquêtant sur un vrai complot, celui d'un coup d'État et de la prise de pouvoir d'un dictateur soutenu par les États-Unis. Il y a des questions de révisionnisme, il y a des questions de négationnisme, il y a des questions de violence politique, il y a des questions de disparus, de torture. Il y a tout un tas de choses. En réalité, qui résonne très très fort avec l'histoire de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, j'enquête, je fais ce film, et c'est à ce moment-là que je vais commencer à m'intéresser aux faux complots. Les vrais complots, ça existe, les vrais complots ont fait l'histoire. Le problème de l'époque, c'est que les faux complots sont en train de faire l'histoire à leur tour. Et j'ai pas envie de ça. J'observe mon pays, j'observe l'Europe, et je regarde ce qui se passe, et je vois la montée des populismes, des partis d'extrême droite, des propos fachos et tout, Et je me dis qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est à ce moment-là que je vais rencontrer quelqu'un que les auditeurs de Réveillez-vous connaissent très bien, puisque c'est le patron de Conspiracy Watch, qui à l'époque est un site internet un peu confidentiel, qui porte à bout de bras lui aussi tout seul la nuit, parce qu'il a un vrai travail la journée et qu'il fait ça par combat et par conviction et parce que ça a un intérêt. Hein, c'est Rudi Reichstadt, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu. Et on va se rencontrer et lui, il va me raconter ce qu'est le complotisme. Il va me montrer tout ça. Il va me montrer ce qui se passe sur YouTube. Il va me montrer ce qui se passe sur les sites complotistes qui disent n'importe quoi. Et moi, je vois, comme lui, un parallèle très fort entre ce qui se diffuse sous le manteau, entre guillemets, sous le niveau de la mer, qu'on ne voit pas, que les grands médias n'observent pas, puisque les grands médias, comme l'industrie de la musique, comme l'industrie du cinéma, n'ont pas été capables de voir le virage d'Internet, et donc ils n'ont pas observé ce qui se passait sur Internet. Et en fait, l'Internet francophone, il a une particularité très forte, il a été colonisé par l'extrême droite, dès le départ. Les principaux sites, c'est le réseau Voltaire de Thierry Messant. Réseau Voltaire, on n'en avait jamais encore parlé jusqu'ici. Concrètement, ce site se présente comme un réseau de presse non aligné, prétendument neutre donc, et spécialisé dans l'analyse des relations internationales. D'ailleurs, le site est disponible en 18 langues. Son créateur, Thierry Messant, un proche du Hezbollah et du gouvernement iranien, a d'ailleurs contribué à internationaliser les théories du complot sur le 11 septembre. Il y a tout ce que fait Alain Soral sur égalité et réconciliation, et les trucs qui sont produits par Dieudonné, l'humoriste, qui se retrouvent dans des vidéos sur YouTube. Tous les trucs autour de David Icke et de l'idée des reptiliens, il y a tous ceux qui défendent l'idée que la Terre est plate, il y a le truc autour des pyramides, la révélation des pyramides, ce documentaire absolument odieux qui dit n'importe quoi sur la création des pyramides. Tout un tas de sites, en fait, il y a une myriade de sites, il y en a plus de 500 à l'époque dans ce qu'on avait comptabilisé, qui, franchement, disent n'importe quoi, mais en ayant l'air de dire des trucs hyper sérieux. C'est un changement de paradigme, en réalité. Le vrai est faux, le faux est vrai, et en fait, tous les grands trucs qui ont construit notre manière de voir le monde, mais en fait, on nous dit que c'était pas vrai. Donc on nous dit qu'on n'a pas marché sur la Lune, on nous dit que JFK n'a pas été assassiné par Oswald, on nous dit que Diana, il y a une histoire bizarre derrière sa mort dans un accident de voiture à Paris, et on nous dit que le 11 septembre, voilà. Et en fait, tous les éléments d'actualité et tous les éléments structurants dans notre manière de nous façonner nos opinions, et bien en fait, on nous explique que tout ça est une espèce d'énorme mensonge. Et bizarrement, ben ça marche. Ça marche même super bien, parce que parce qu'il faut reconnaître à ces gens-là une forme de talent narratif, éditorial, créatif, et qu'en fait le cerveau humain est ainsi fait qu'il a un peu plus envie de croire à ces choses-là que de voir des phénomènes de hasard. Et donc il y a une espèce de prime pour ces contenus-là qui, à un moment ou à un autre, va nous exploser un peu au visage, quoi. Pour le faire comprendre au plus grand nombre, Thomas Huchon lance alors une expérience avec le studio de production Spicy en 2014. Donc, naît l'idée de faire une infiltration dans les milieux complotistes avec une fausse identité sur les réseaux sociaux pour essayer de voir comment ça se passe et pour essayer de tester les complotistes avec une fake news. Le virus du sida a été inventé par la CIA dans sa lutte contre Cuba. C'est la vraie raison du blocus économique et sanitaire de l'île depuis 50 ans. Et si Obama accepte aujourd'hui de lever l'embargo, c'est pour récupérer le vaccin que les Cubains ont développé en secret. Ce film, qui a été vu des milliers de fois sur Internet, c'est un mensonge. Une théorie du complot comme il en existe des milliers sur le web. Sauf que celle-là, c'est nous qui l'avons inventée de toutes pièces. Ce n'est pas un hasard si Thomas Huchon choisit ce sujet. Des théories du complot sur le sida circulent déjà. En fait, c'est l'un des thèmes favoris de la complosphère. On décortique la méthodologie de fabrication des théories du complot, on décortique la recette de cuisine d'une certaine manière. On se filme en train de le faire, on filme nos réunions de travail, on filme nos moments dans la salle de montage, on raconte comment on a fait tout ça, et on met ce truc en ligne. On met ce truc en ligne et on va travailler avec un sociologue aujourd'hui extrêmement connu, spécialiste de ces sujets, Gérald Bronner, qui va nous aider à calibrer la tonalité de la vidéo. On travaille avec une enseignante qui est une des pionnières dans l'éducation aux médias et à l'information, qui s'appelle Sophie Mazet, qui à l'époque avait créé des cours d'autodéfense intellectuelle pour ses élèves. Et du coup, on travaille aussi à l'époque, et ça c'est quand même assez intéressant d'y revenir quelques secondes, avec une entreprise dont le métier est de suivre les réseaux sociaux pour des très très grands groupes du CAC 40, afin de les aider à adapter leur stratégie marketing. Et nous, en fait, on va demander à cette entreprise s'ils sont capables de traquer notre vidéo complotiste et de nous dire quel chemin elle va vivre sur Internet, par où elle va passer, qui va la partager. Et tout ça, ça doit nous servir à comprendre la complosphère, à comprendre la circulation d'informations sur les réseaux et à objectiver, en fait, le phénomène. Et donc, on fait ce film qui s'appelle Conspi Hunter, comment nous avons piégé les complotistes. Parce que oui, ils se sont fait piéger. Il y a plusieurs sites qui avaient des audiences assez importantes qui vont reprendre le truc. Et en 3 semaines, la vidéo fait des milliers de vues. Elle fait à peu près 10 000 vues en 3 semaines. Surtout qu'on est à l'époque en 2015, donc on n'est pas encore dans le moment où il y a des audiences absolument colossales sur YouTube. Donc on fait ce truc-là, on sort le film. Et effectivement, c'est là que moi j'ai commencé à être identifié comme un des journalistes qui travaillait sur ce sujet. Et je ne pensais pas du tout à ce moment-là que je serais 10 ans plus tard en train de continuer à travailler sur ces sujets. Je subis un harcèlement et une violence numérique absolument constante qui n'a fait que s'amplifier et qui, petit à petit, est sortie de l'espace numérique pour entrer dans la vraie vie. Parce que moi, devenant un peu identifié sur ces sujets, devenant plus médiatique et donc plus connu, j'ai aussi été amené à faire des conférences sur le sujet, à prendre la parole dans les médias, à m'exprimer là-dessus. Et donc, de plus en plus, je voyais des gens qui venaient exprès bordéliser mes conférences. J'ai eu les anti-vax qui faisaient des manifs devant mes conférences en expliquant Huchon, Macron, un seul combat, la vaccination obligatoire. Enfin, des trucs complètement dingues qui dépassent très très très largement dans la nuisance, entre guillemets, l'impact de mon travail à moi ou de ce que je dis. Et puis d'ailleurs, d'une certaine manière, moi je dis pas grand-chose, à part que 2 et 2, ça fait 4. Mais visiblement, pour tout un tas de gens, expliquer que 2 et 2, ça fait 4, c'est insupportable quand on pense que 2 et 2, ça fait 5. Et ça crée une forme de violence hyper importante. On m'a même accusé d'être un reptilien. Ça, c'était assez cool. On m'a même dit que j'étais le chef des reptiliens français à un moment. J'étais quand même assez fier de disposer de ce titre. C'est un peu, pour les plus anciens, comme le truc de la Rolex de Sarko. Hein, s'il y a 40 ans, t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie. Dans mon domaine, s'il y a 40 ans, tu t'es pas fait traiter de reptilien, franchement, t'as raté ton métier. On dit que je suis le fils d'un homme politique, c'est vrai, et que du coup, je fais partie du complot. Que je suis un franc-maçon, que je suis un juif, que je suis financé par la CIA, que je suis un illuminati. On dit que je suis un gauchiste. Alors maintenant, on me dit que je suis un mec de droite aussi. Parce que la polarisation politique et le complotisme, il a aussi basculé à gauche et à l'extrême gauche. Et donc du coup, avant j'étais un gauchiste pour les fachos, maintenant je suis un mec de droite pour les gauchos. Ça remet pas l'église au milieu du village, mais ça montre bien que le truc a progressé de manière hyper importante. Les trucs les plus désagréables qu'on m'a dit, c'est que, c'est par exemple, on m'a accusé d'être un pédophile, ou d'être un défenseur des pédophiles. Parce que j'avais eu la drôle d'idée d'expliquer face à des posts ou à des communications diffusées par les complotistes sur les réseaux pédocriminels secrets qui gouverneraient le monde et tout, de dire que c'était pas vrai et qu'en réalité, 95% des cas d'inceste ou de violence sexuelle faite sur les enfants, elle est faite par un proche de la famille. Donc ça laisse assez peu de place à ces réseaux pédocriminels pour aller là-dessus. Et effectivement, moi, j'ai été extrêmement harcelé sur ces sujets par Carl Zero, par exemple, l'ancien journaliste de Canal+, qui a largement basculé dans les thèses complotistes, par Idrissa Berkane, par tout un tas de personnes, par Soral et ses sbires, par tout ce petit monde-là. Bon, Soral, si vous écoutez Réveillez-vous depuis le début, vous commencez à le connaître. Mais arrêtons-nous un instant sur le profil d'Idriss Aberkane, qui au passage se targue d'avoir 3 doctorats. Il s'est d'abord fait connaître pour ses conférences et ses livres de développement personnel. Mais ces dernières années, c'est l'actualité politique, économique ou encore internationale qu'il commente sur sa chaîne YouTube, le tout bien infusé de théories complotistes. Sur les photos d'Epstein, il est exact que la photo d'Epstein mort et la photo d'Epstein vivant ne correspondent pas tout à fait, les oreilles ne correspondent pas. On parlait des fact-checkers précédemment qui sont devenus de plus en plus des agents de la Stasi, hein, on le voit aujourd'hui. On a par exemple un Tristan Mendès France qui fait des listes aujourd'hui. Papy Biden, il est aujourd'hui téléguidé, quoi, comme on dit, un dirigeant dirigé. Alors il faut vraiment être un crétin ou bien un journaliste prostitué pour croire que la CIA n'a pas pu envisager la possibilité de la velléité de l'ombre de faire un coup d'État en Ukraine. Évidemment que c'est ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, Idriss Aberkane compte plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Et tout ça, ça a créé des trucs de violence numérique qui se sont transformés dans les conférences, dans des trucs de violence verbale, mais qui en réalité sont aussi transformés au moins une fois dans des cas de violence physique. C'est là que je demande à Thomas Huchon s'il veut bien nous raconter cet épisode douloureux. Je ne sais pas du tout si c'est lié au fait qu'on se voyait aujourd'hui pour parler de tout ça. Mais j'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai fait des cauchemars absolument horribles cette nuit, dans lesquels j'ai complètement revécu la scène de l'agression. Et j'ai même revécu une version amplifiée par mon petit cerveau malade de cette agression. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas penser de manière inconsciente, hein, les rêves c'est inconscient, donc on ne peut pas les contrôler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour les plus jeunes qui nous écoutent, et j'espère qu'il y en a beaucoup, vous verrez, quand vous aurez 40 ans, vous allez aller à des fêtes d'anniversaire de 40 ans, donc vous allez voir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Je vais donc aux 40 ans d'un mec qui est réalisateur de documentaires, qui est très très talentueux d'ailleurs, qui avait tourné avec moi le film sur Alien Day. Ça se passe dans un restaurant à la porte de Paris, au Kremlin-Bicêtre, une pizzeria. Et il y a une vingtaine de personnes autour de la table, et parmi les gens autour de la table, il y a quelqu'un que moi je connaissais quand j'étais lycéen, que j'avais continué à côtoyer, mais que depuis une dizaine d'années, je croisais dans les boîtes de production, mais je ne fréquentais plus, parce qu'il avait basculé. Il avait basculé de manière extrêmement profonde. À la fois dans un complotisme antisémite dingue, et en même temps en adhérant à toutes les théories. C'est qu'il a commencé par Soral et Dieudonné, le 11 septembre, la Lune, JFK et tout. Et il est allé, il a tourné la deuxième partie de la révélation des pyramides à l'île de Pâques. Il était, sans être un activiste qui publiait des choses, il est un croyant dans tous ces trucs-là. Et il a profité d'un moment d'inattention de ma part pour monter sur la table et pour m'éclater la tête à coups de carafe. Ce que m'ont dit les médecins de la Pitié-Salpêtrière qui m'ont reçu en urgence ce soir-là, couvert de sang et la main droite pétée sur 2 doigts, c'est qu'il aurait pu me tuer. Et que mon corps a visiblement eu une forme de réflexe qui m'a sauvé. Si j'avais pas levé la main et baissé un tout petit peu ma tête, et ben la carafe elle aurait pas tapé sur le haut de mon crâne, ce qui m'a provoqué 10 points de suture et une plaie sanguinolente, un traumatisme crânien et tout. Ça aurait tapé dans mon œil ou sur ma tempe, et à minima, j'aurais été défiguré, à maxima, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui. C'est arrivé en novembre 2021, donc c'était il y a un peu plus de 4 ans. J'ai pas arrêté. Personne ne me fera arrêter. Le jour où j'arrêterai, c'est parce que j'aurais décidé qu'il faut arrêter. Et c'est surtout pas un conspi malade qui me tabasse à coups de bouteille, qui va me faire changer d'avis et qui va me faire reculer d'un iota sur mon engagement et sur mon combat sur ces sujets. Justement, ça prouve qu'il faut combattre. Ça prouve qu'il faut y aller. Ça prouve qu'on n'a plus le choix. Si ce truc-là arrive dans un cadre familial, ça veut dire familial, amical, je pense familial parce qu'il y a d'autres gens qui ont vécu ce genre de truc au moment de dîner de Noël qui sont très mal terminés avec tonton conspi ou tata antivax. En fait, ça venait prouver par l'exemple que tout ce que je faisais avait une forme de validité et qu'il ne fallait pas arrêter. J'ai des séquelles à la main, je n'ai pas récupéré les 2 doigts extérieurs de la main droite. Je suis droitier et mon métier c'est d'écrire, donc c'est un peu chiant. Ils sont très abîmés et on ne peut pas les récupérer. Mais non, il y a un vrai truc par contre, c'est que je ne supporte plus de pas voir ce qui se passe quand je suis assis dans un restaurant. Donc je suis toujours le mec qui est adossé au mur et qui voit la salle en permanence, et je screen la salle en permanence. Je suis devenu un peu parano parce que j'ai peur que ça recommence. Très récemment, là, je vis avec quelqu'un dont je suis extrêmement amoureux et qui m'a accompagné en plus dans toute cette histoire, qui est la meilleure personne de cette planète. Il se trouve que j'ai bêtement publié une story au moment de Noël où on courait sur une plage tous les deux. Et elle a un profil privé sur les réseaux sociaux, donc il n'y a que les gens qu'elle accepte qui voient ce qu'elle publie. Mais moi, je suis un con, je comprends rien à tout ça, je suis vieux. Je vais avoir 45 ans cette année, et donc même si je suis un spécialiste des algorithmes et de tout ça, j'ai pas complètement maîtrisé l'histoire des paramètres de publication. Et donc je publie un truc, et du coup, elle apparaît. Et ben immédiatement, DDM d'injures, DDM machin pour elle. Parce que ces gens-là sont tellement courageux qu'ils viennent même pas m'injurier moi, ils ont été l'injurier elle. Et donc elle m'a dit, bon écoute, mon amour, je pense qu'on va pas mettre de photos ensemble sur les réseaux sociaux, parce que ça me fait un peu chier de recevoir des messages comme ça. Mais donc oui, bien sûr que j'ai peur pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Ça crée des choses qui ne sont pas normales. Tout ça, ça ne devrait pas exister. Ce n'est pas normal qu'on subisse des trucs comme ça, surtout quand le seul travail qu'on fait, c'est de dire que 2 et 2, ça fait 4, en réalité. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais continuer à me battre. Le problème n'est pas tant d'arriver à gagner... Enfin, comment dirais-je ? Le problème est, qu'est-ce qu'on considère comme une victoire ? Est-ce que la victoire, c'est de convaincre les complotistes qui disent n'importe quoi ? Je pense que ça sert à rien. On ne pourra pas y arriver. Est-ce que le combat, c'est d'arriver à créer de l'information de qualité qui va permettre à l'immense majorité des gens au milieu qui sont indécis de ne pas basculer là-dedans ? Ça, je pense que c'est un combat. Et... Bah écoute, voilà, moi hier je faisais une conférence devant 550 lycéens dans une ville de Picardie, et franchement je suis sorti de cette séance avec un immense espoir. Un immense espoir parce qu'en fait il faut avoir cette discussion sur la qualité de l'information, c'est certain, mais il faut pas qu'on ait cette discussion dans un espace numérique où les algorithmes biaisent complètement les choses. Donc il faut retrouver du monde réel. Dans le monde réel, en réalité, il y a beaucoup moins de choses ultra-violentes que sur les réseaux. Il y a de la violence, on en a parlé. Mais dans le monde réel, on est obligé de discuter. Et il y a un moment où les choses deviennent beaucoup plus évidentes, y compris quand on essaie de lutter. Et dans cette recherche d'évidence, je crois qu'il faut continuer. Après, c'est sûr que c'est difficile. Mais faire un monde meilleur, c'est pas plus simple. C'est pas plus facile. C'est plus difficile. C'est du taf. Faut bosser. Faire un monde meilleur, ça demande de l'abnégation, du courage, de la force, du travail. Du travail. Et donc moi, je vais continuer à bosser et on verra ce que ça donne. Vous venez d'écouter Réveillez-vous. Un grand merci à Thomas Huchon. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Héloïse Weiss et préparé avec l'aide de Victor Motin. D'ailleurs, si vous voulez nous rencontrer et nous poser des questions sur le podcast, notez que nous enregistrons un épisode en public le jeudi 2 avril. C'est à la médiathèque Virginia Woolf à Paris. C'est gratuit. Il suffit juste de vous inscrire sur le site de la bibliothèque ou bien par téléphone. Et puis sinon, vous pouvez toujours retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître et faire un don sur notre page Ulule. À bientôt !